Bonjour monsieur, je voudrais envoyer un bouquet de fleurs à quelqu'un, s'il vous plaît. Oui monsieur, vous désirez un bouquet dans les combien? Bon, dans les 30 euros environ, je ne sais pas exactement, ça dépend.